à la plage Niagara, un titre qui est sorti en 1986, issu de l'album Encore un dernier baiser. Dans quelques instants, on sera avec Justine Aprician. On va fêter encore le 85e anniversaire de Guy Roux. Il était ce matin l'invité de Greg Lecair dans la matinale. Et puis, il nous a fait une surprise pour vous, les auditeurs. Dans quelques minutes, vous aurez la chance de gagner le t-shirt collector des 85 ans de Guy Roux, dédicacé par Guy Roux. Il l'a dédicacé ce matin. Tout au long de la semaine, on continue de découvrir la ville d'Avallon. Exactement, ici Célia, nous sommes à Avallon cette semaine. À mes côtés, Béatrice Carfa, notre guide conférencière, et Benjamin Lemaire, notre chroniqueur gourmand. Et aujourd'hui, vous m'avez suivi tous les deux au 33 de la Grande Rue d'Avallon, à la boutique Chamadar. Isabelle Simon, bonjour. Bonjour. Alors, dans cette boutique, c'est une véritable mine d'idées cadeaux. Vous êtes d'accord avec moi? C'est extraordinaire. Nous avons des bols, des objets en décor. J'aime beaucoup aussi vos petites illustrations avec des petites phrases. Oui. Parce que vous êtes céramiste, Isabelle. Oui. Depuis combien de temps maintenant? 16 ans. Comment on peut définir votre style? C'est à la fois humoristique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça peut l'être. Ouais. Un peu onirique, poétique. Enfantin parfois, très sérieux ensuite, parfois j'ai 5 ans, des fois 90 ans quand j'ai mal au dos à force de tourner. Béatrice, vous avez rencontré Isabelle il n'y a pas longtemps. Oui, à la grande rencontre qu'il y a lieu avec les métiers d'art, la grande rencontre à l'abbaye Saint-Germain, et j'avais déjà craqué sur son travail parce que je trouve qu'on a aussi bien l'objet déco auquel on n'aurait pas pensé en poterie mais qui est super, je pense aux petits tableaux, en lampe. Mais aussi les objets du quotidien. Et boire son thé dans une tasse magnifique ou son lait dans un bol superbe, c'est génial. C'est ce que j'allais dire. Vous parlez d'objets de quotidien, mais c'est des objets même d'exception, Benjamin. Moi, j'ai envie de tout acheter. Mais vraiment. Vrai. Et puis, vos différents styles, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Puis, je voudrais aussi vous parler un peu du prix, parce que c'est important, parce que au lieu d'acheter quelque chose que tout le monde a chez soi, regardez, un petit bol comme ça, unique, 15 euros, ouais. On boit son thé tous les jours ou son café, toute la vie, c'est magnifique, ça coûte 15 euros, c'est rien du tout. Vous avez plein de pièces, non, c'est bravo, c'est vraiment super. De tous les prix, des petits prix pour les petits porte-monnaies et des grands prix pour les grands porte-monnaies. Est-ce qu'on peut dire que votre travail est aussi inspiré par l'art japonais pour certaines pièces? On me le dit souvent, pourtant je n'ai jamais allé au Japon. Ça fait penser à un travail, vous savez, ces petits branchages qu'il y a parfois sur certaines œuvres, ça fait vraiment penser à une œuvre japonisante. C'est un petit peu de multiplicité, de décors à Avallon, et vraiment bravo, c'est superbe. Benjamin? Est-ce que vous transmettez votre savoir? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour prendre des cours, par exemple? Oui, régulièrement j'ai des élèves, soit du CNIFOP, le centre de formation de Saint-Amand, soit du lycée de la céramique à Longchamp, à côté de Dijon, qui sont en formation professionnelle. Et ensuite, j'aime beaucoup faire des stages ouverts, donc aux enfants à partir de 5 ans, et il n'y a pas de limite d'âge, des grands-enfants jusqu'à 88 ans, je crois, la plus âgée. Il faut combien de temps pour maîtriser cet art? Toute une vie, j'imagine, mais si on veut commencer à faire des choses qui ressemblent à quelque chose. Alors, j'ai une formation en musique au départ, au conservatoire, en clarinette. Et on disait qu'il fallait 7 ans pour savoir jouer d'un instrument de musique. Et je pense qu'avec la poterie, c'est pareil. Pour tourner, par exemple, je pense qu'il faut aussi 7 ans pour maîtriser le tour. En tout cas, vous avez une toute petite voix. Vous êtes très modeste. Et pourtant, votre travail est magnifique, Isabelle. Bravo, c'est très, très beau ce qu'on a autour de nous. Faites comme nous, vous poussez la porte de Chamadar ici à Avallon. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci Isabelle Simon. Chamadar, c'est ici Grande Rue Aristide Briand à Avallon. Et demain, toujours à la découverte de cette belle commune d'Avallon, pleine de surprises. On va reparler histoire et patrimoine. Et ce sera avec vous, Béatrice. Demain, on va continuer encore de parler de la ville d'Avallon. On va écouter en musique le dernier duo Florent Pagny, Christophe Maé et Un jour une femme. C'est une reprise, c'était un titre de Florent Pagny qui était sorti en 2000. Là, c'est dans son dernier album, 2 bis sur France Bleu Auxerre. D'avoir passé des nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues. D'être tombé

Baladeur, Justine Apricant. Alors là, je suis au Pôle Bert, en bas de la rue du Pont, sur la terrasse. Je cherchais les supporters de la GIA et on m'a conseillé Jean. On m'a dit, allez voir Jean, lui, c'est le supporter hors pair. Alors j'ai la chance d'être avec lui ce matin. Bonjour Jean. Bonjour. Alors vous êtes un supporter hors pair, ça veut dire quoi? Bon bah je connais la GIA depuis, on va dire, pas loin de 54 ans, 58 ans après. Ah oui, ça a commencé tôt pour vous. Tôt, oui. Alors ça a commencé comment? Alors ça a commencé par mon oncle qui m'a emmené un match à Auxerre, voilà, dimanche, matin. Et puis ben, j'ai continué à suivre. J'ai apprécié, donc du coup voilà. Il n'y avait encore pas Giroud comme entraîneur à l'époque. Ah oui, donc c'était encore avant Giroud. Ah oui, la GIA, c'est une culture de cœur après. Une grande famille. Et ce qui est bien, c'est que ça allait encore aujourd'hui pour vous. Eh oui, encore en plus, oui. On les a pas lâchés. Non. Qu'ils soient en D2, qu'ils soient en D1, que ce soit en National, on le sera toujours derrière eux. C'est une équipe de cœur, donc voilà. Vous allez encore les voir aujourd'hui au stade? Vous allez les supporter? Vous criez? Ah bah oui, les routes de Vaud. En Groupama, je suis en Groupama et je suis le GIA depuis. Maintenant, depuis toujours presque. Et je suis né à Groupama comme Mitra, donc du coup voilà. C'est quoi votre meilleur souvenir de la GIA, si on devait en citer un comme ça? La première Coupe d'Europe à Auxerre. On a été éliminés, mais là, c'était le plus beau souvenir de notre vie. Aujourd'hui, elle est encore dans votre tête? Ah bah oui, oui. Parce qu'on a été même, on a perdu chez eux, on a gagné chez nous, mais on n'a pas eu compte que c'était bien éliminé, parce que bon, on n'était pas encore assez mûrs pour la finale de Coupe d'Europe. C'est vrai que quand on dit la GIA aujourd'hui, on a souvent Giroud qui ressort. Vous connaissez Giroud? Ah oui, bah Giroud c'est un fondamental dans l'Auxerre. C'était notre meilleur coach jusqu'à l'heure actuelle. Puis il restera dans notre cœur aussi parce que c'est lui qui nous a fait monter. C'est lui qui nous a emmenés en Coupe d'Europe. Gagner quand même trois Coupes d'Europe, trois Coupes de France. Donc c'est quelque chose d'ailleurs, un championnat. Donc je crois qu'Auxerre va beaucoup à Giroud. Et Giroud c'est quelqu'un de notre cœur à nous. Vous l'avez déjà croisé? Oui, plusieurs fois, oui. Oui. Il y aurait une petite anecdote que vous auriez à nous partager? Oh oui, aller chercher les ballons chez les supporters. Ça, c'était une belle anecdote. Il a couru après, c'était en Coupe d'Europe, je crois. Et les joueurs avaient envoyé le ballon dans les supporters. Ils ne voulaient pas le rendre. Ils étaient cherchés. C'est drôle parce que cette anecdote, mon papa me l'a racontée. Donc vraiment, tout le monde la connaît. Elle est restée. Ah, elle est restée. Et puis son bonnet, tout le temps, c'est quelque chose qui les a tous marqués. Aujourd'hui, on a la chance de fêter ses 85 ans à Giroud. Est-ce que vous voudriez lui souhaiter un joyeux anniversaire? Bah, joyeux anniversaire à lui, tout ça. Parce que bon, il nous manque aussi, donc du coup voilà, même s'il vient au stade, il nous manque toujours. Voilà, on lui souhaite tous un très joyeux anniversaire à Giroud. Merci Justine Apricant. Oui, on lui souhaite un très joyeux anniversaire à Giroud. Il était notre invité ce matin dans la matinale avec Greg Lequer. Et il vous a laissé une surprise. Giroud, il y a un t-shirt collector pour ses 85 ans à venir récupérer chez France Bleu. Pour cela, pour le gagner, ce t-shirt, c'est très simple. Le premier qui nous appelle au 03 86 52 23 23, il remporte ce t-shirt dédicacé par Giroud en l'honneur de son 85e anniversaire aujourd'hui en ce 18 octobre. Vous appelez dès maintenant le 03 86 52 23 23. Premier arrivé, premier servi. Bonne chance à tous. Voici Dépêche Mode et Personal Jesus sur France Bleu Auxerre. You're wrong. Quel classique sur France Bleu, Auxerre, Personal Jesus, Dépêche Mode, que l'on vient d'écouter. Félicitations à Philippe de Villefargeau qui vient de remporter le t-shirt collector des 85 ans de Guy Roux qui fête son anniversaire aujourd'hui. 85 ans pour notre Guy Roux. Allez, tout de suite, on fait un pont de 9 ans en arrière avec la bande originale du film James Bond Skyfall. Avec la chanson de Adèle, Skyfall, sur France Bleu, Auxerre. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then. Moment, so overdue, I owe. Skyfall de Adèle sur France Bleu Auxerre. Comme tous les jours, Lucien Denis, l'ancien joueur de la GIA, nous raconte 45 ans d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. Il se souvient notamment de Guy Roux et de son caractère si particulier. Et aujourd'hui, Lucien Denis se souvient d'une histoire de pain, ou plus précisément de pain de mie pour Guy Roux. Écoutez. Bonjour, je suis Lucien Denis, joueur de la GIA Auxerre de 76 à 83. Je me souviens de la deuxième année de Ligue 1. Nous allons disputer un match à Bordeaux. Nous sommes dans un grand hôtel près du lac d'Aquitaine. Et comme à l'accoutumée, Guy Roux a besoin d'éliminer un peu son stress, de s'en prendre à quelqu'un. Et là, ce soir-là, partagé entre les rires et un peu quand même de honte, il s'en prend à un maître d'hôtel en lui disant « Je vous préviens, demain après-midi, nous avons une collation à 16h30. Vous avez l'habitude de me mettre du pain de mie grillé. Je n'en veux pas. Je veux du pain grillé, du vrai pain. Vous avez compris ? » Guy Roux ne voulait pas de pain grillé. Il estimait que ça gonflait trop lorsqu'on le trempe dans le café ou dans le thé, et donc il voulait du pain normal. Il estimait que ça gonflait et que ça ne permettait pas de digérer de façon sereine. On se couche, on revient le lendemain matin, et le lendemain matin, il retrouve ce même homme en lui disant « Vous vous rappelez ce que vous avez dit hier soir ? Vous me mettez le bruit, monsieur, j'ai compris, ça va, c'est bon. Sauf que dans les grands hôtels, il y a des brigades du matin et des brigades du soir qui changent régulièrement. » Et ce qui arrive doit arriver. Nous arrivons à 16h30 pour prendre la collation. La brigade du matin est partie, c'est la brigade de l'après-midi qui est là, et visiblement, avec l'hôtel qui est là, n'a pas été averti. Et que nous retrouvons sur la table du pain de mie grillé. Et là, la colère de Guy Roux. Mais là, la honte pour toute l'équipe. Il a pris les panières, il est parti en courant, et il est allé les jeter sur la réception. Là, il y a deux filles qui sont à la réception, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a un gardien chinois qui vient d'arriver à l'hôtel, qui prennent des photos, et vraiment, il a une colère monstre. Il menace de ne pas payer l'addition, et on repart en disant, coach, calmez-vous. Ils sont allés chercher du pain dans une boulangerie, ils nous ont fait du pain grillé avec du pain normal. Ça aussi, c'était un peu la façon de Guy Roux d'évacuer son stress. Demain, un nouveau souvenir de Lucien Denis. Nous parlerons d'un match particulier. Le premier match de Lucien Denis à Auxerre, mais sous un autre maillot que celui de la GIA. Bonjour, c'est Béatrice Kerfa. Du lundi au vendredi, je vous propose une toute nouvelle fenêtre sur le passé glorieux qui a façonné notre territoire. Nous arpenterons les rues pavées de nos villages, nous découvrirons les majestueux châteaux qui ont survécu aux épreuves du temps et les paysages empreints de mémoire. Du lundi au vendredi sur France Bleu Auxerre, je vous révélerai les secrets bien gardés de notre terre, des récits de courage, des anecdotes étonnantes et les personnalités qui ont marqué notre histoire à 6h15 et à 8h05. Détendez-vous. France Bleu Auxerre s'occupe de tout jusqu'à 18h. Dans quelques instants, on va parler de l'entreprise associative Citafi. Ça sera juste après, et même après, je t'aimerai. Oshi sur France Bleu Auxerre. Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout pour toi, je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimes? Tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment. Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai. Et même après je t'aimerai. Tu sais, souvent je me contiens. Chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel? Sur France Bleu Auxerre. Cette semaine, Catherine Marchesin, vous nous faites découvrir l'entreprise associative Citafi. Effectivement, Citafi est une entreprise associative qui a pour but d'aider au retour à l'emploi de travailleurs handicapés et chômeurs longue durée. On y fabrique des jouets en bois pour plus de 250 sites remarquables, comme ceux de Guédelon et d'Alésia. Et à Citafi Auxerre, j'ai recueilli les témoignages de personnes qui y travaillent, comme celui de Clément. Bonjour, je m'appelle Clément, je travaille à Citafi à Auxerre. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, Clément, vous ? Je suis employé depuis le 13 avril 2023. Chez Citafi, on fait quoi, Clément ? Expliquez à nos auditeurs. On travaille surtout beaucoup le bois, c'est principalement le bois. Ici, chez Citafi, on ne fait pas que travailler, il y a également des ateliers pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Oh, oui, après il y a une femme qui s'appelle Florence, après qui peut aussi, quand on est en fin de bientôt de contrat, si on peut monter un projet après, ou si on peut être prolongé aussi, si on le souhaite. Qu'est-ce qui vous plaît ici, Clément ? Bah, refaire, on va dire, quelque chose de mes mains, quoi, parce que ça me manque un petit peu. J'aime bien quand même. Après, j'ai un peu de mal quand je suis rentré dans la boîte aussi. Pas mal de stress après de reprendre. Et puis, le contact des gens, je suis assez un peu timide aussi, réservé. Donc, ça, un peu une appréhension. Mais bon, maintenant, je viens. À l'aise. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Dans quel métier vous aimeriez bien vous épanouir, Clément ? J'ai fait beaucoup, surtout la restauration avec les lycées, les maisons de retraite, collectivités. Avant, j'étais complètement dans autre chose. Avant, j'étais agent polyvalent de restauration que j'avais fait au lycée Vauban, à Auxerre. Mais j'ai souhaité complètement une reconversion parce que j'ai loupé mon CAP pour un dixième de point. Donc, ça m'a beaucoup vacciné. Après, je cherche parce que normalement, là, je vais bientôt avoir un stage d'immersion. Après, à Auxerre, je trouve pas beaucoup de choses. Et puis, à part la cuisine, j'ai pas trop d'idées, en fait, pour l'instant. Mais après, sinon aussi, peut-être dans les grandes surfaces ou mettre en rayon, j'avais fait, ça m'avait bien plu. Vous êtes heureux ici, à Sitafi ? Oui, maintenant j'ai trouvé ma place. Maintenant, je suis plus trop nouveau, donc maintenant, pour vous aider, j'y vais moins la peur au ventre. Mais sinon, maintenant, j'ai l'impression de me sentir utile, de me sentir à ma place, servir à quelque chose. Merci beaucoup, Catherine Marchezin, pour votre chronique accès privé sur l'entreprise associative. Sitafi. Tivechu, Lamio, Bandera, Voce Ventu et Jennifer nous font faire un petit détour encore sur France Bleu Auxerre. Tivechu, Lamio, Bandera, il luviore che si spanna, ogni istante rausole, ogni giocco di campana, si per me l'alto vanale, a mio strada, a mio fontana, o la mia bandera, o la mia bandera, tirerò la mia bandera, in ogni fiume chi corre, in usa abbraccia un mare, in aianna e albore, si per me a stella ardente guida di un messembolore, o la mia bandera, o la mia bandera, ti ego la mia bandera, in ogni monte scolpito, non di Larigia, ogni legge, non di Gaspagno, si per me la scorsa vita di Arburu sembra rito, o la mia bandera, o la mia bandera, io ego la mia bandera in un pianto di uccello, in la mano che si può dire in la risa di un zitello, si la mia antica gulana a mio bramo, mio si per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio, con la mia bandera, con la mia bandera, ti vedo la mia bandera, in un vecchio campo santo, in un vasto di amore, in la rima di un mio canto, si per me l'eterna braccia sa.

Merci Marine Le Génie. Côté météo, des éclaircies sont prévues en cette fin de journée, même si actuellement il y a encore des nuages, on le voit là à travers la vitre dans nos studios à Auxerre. Cette nuit, les températures seront fraîches, entre 13 et 15 degrés sur tout le département de Lyon. Demain matin, quelques rares averses sont prévues côté ouest et nord de Lyon. Les températures minimales seront de 15 degrés à Auxerre et Sens, 14 à Tonnerre, 15 à Avallon et 14 degrés à Saint-Fargeau. La météo 100% locale avec Murprotec, numéro 1 de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic de votre habitation offert sur murprotec.fr. France Bleu Auxerre, Yannick Bourna. Et je suis très heureux de vous accompagner sur cette fin d'après-midi sur France Bleu Auxerre. On est ensemble jusqu'à 18h. Dans la prochaine demi-heure, on va parler du spectacle Piaf et ses hommes, une pièce de théâtre musical qui aura lieu ce samedi 21 octobre à partir de 20h à la salle des fêtes d'ici à Charny-Auray de Puisé. La comédienne Mélanie Allard sera avec nous pour en parler. L'envie d'aimer, c'est le nom du titre de Daniel Lévy que l'on écoute tout de suite sur France Bleu Auxerre. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible. Regarde autour, à qui le veut vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout. So L'envie d'aimer Daniel Lévy sur France Bleu Auxerre. Ce samedi 21 octobre, à la salle des fêtes d'ici, à Charny-Auray de Puisé, vous avez rendez-vous avec du théâtre musical pour la pièce Piaf et ses hommes. Pour en parler, la comédienne Mélanie Allard est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour Yannick. Mélanie, avant de parler du spectacle Piaf et ses hommes, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ça marche. Alors ouais, je suis Mélanie Allard, je suis comédienne et chanteuse et ancienne danseuse. J'habite à Tanner-en-Puisé, donc au lieu-dit Les Engins, que vous avez déjà peut-être entendu parler puisqu'il y a le festival d'été Tous aux Engins. On est venu souvent vous voir pour ça cet été. Je viens de la danse à l'origine, et puis la danse m'a doucement amenée au chant, et puis avec la danse et le chant, j'ai finalement fait une école de théâtre. Et voilà, et aujourd'hui, depuis 20 ans maintenant, oh, c'est horrible, 20 ans, j'exerce ce métier de comédienne, chanteuse, et j'ai abandonné la danse, je suis trop vieille. J'ai vu que le journal Lyon Républicaine vous qualifiait même de meneuse de revue. Est-ce que vous confirmez cela ? Absolument, parce que la danse plus le chant m'a vite emmenée aux portes du cabaret, et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cabaret. J'en fais encore aujourd'hui avec une compagnie itinérante qui s'appelle la Musical and Dance Company. Et c'est avec cette compagnie aussi qu'on a créé le spectacle Piaf et ses hommes avec mon acolyte Thibaut Accard. Voilà. Alors, vous allez jouer cette pièce justement avec Thibaut Accard. Vous allez jouer le rôle d'Edith Piaf et lui, tous les autres hommes. C'est ça, tous les hommes. Pas tous les hommes, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais quand même une grosse partie. Et puis ceux qui ont été importants dans sa carrière ou dans sa vie amoureuse. Alors, vous avez déclaré que vous adorez le film Le Discours d'un Roi. Pourquoi Le Discours d'un Roi ? J'aime bien les films historiques, j'aime bien l'histoire. Je joue notamment dans un spectacle qui s'appelle L'Histoire de France en une heure avec la compagnie La Gargouille. Et j'aime bien ce film qui parle de Georges VI, donc, qui à la mort de son père et après l'abdication de son frère, prend la couronne et il est bègue. Alors, c'est une histoire qui me plaît beaucoup parce que voilà, le discours, ça fait partie du travail de comédien, et l'histoire, ça réunit beaucoup de choses qui me plaisent. Et puis j'aime beaucoup la distribution, Colin Firth, Geoffrey Rush, je crois il s'appelle, Helena Bonham Carter. Voilà, c'est un film qui a eu beaucoup de prix et ça joue terriblement bien, et c'est passionnant comment ce roi bègue va réussir à prendre la parole en public et par quel processus ça va passer. Voilà. Bon, vous savez quoi, Mélanie, on va écouter un extrait du film Le Discours d'un Roi. Pardon, votre... Altesse Royale. Altesse Royale. Mon époux a consulté tout le monde en vain. Articulé. Il ne m'a pas rencontré, moi. Quel est votre souvenir le plus ancien ? Je ne viens pas ici livrer mon intimité. Pourquoi êtes-vous ici, alors ? Pour mon futur bégaiement ! Connaissez-vous des histoires drôles ? Jamais je n'arrive jusqu'à la chute. Vos méthodes sont peu orthodoxes et controversées. Altesse Royale s'élève. Dans quelques instants, Mélanie Allard, vous restez avec nous. On va continuer de parler de votre spectacle Piaf et ses hommes. Restez avec nous. Bonjour, c'est Lucien Denis, joueur de la GIA de 1976 à 1983. Depuis, ce club ne m'a jamais quitté. Retrouvez-moi chaque matin du lundi au vendredi à 7h15 pour revivre les grandes heures de nos couleurs. Des buts mémorables, des arrêts incroyables, des anecdotes sur tous nos héros d'hier et d'aujourd'hui. France partira en Bourgogne. Je me souviens avec vous du lundi au vendredi à 7h15. Le 16-18. Le 16-18. France Bleu Auxerre pour bien terminer la journée. Dans quelques instants, on va continuer de parler de Piaf et ses hommes avec Mélanie Allard. Mais tout de suite, on retourne en musique avec Christophe Willem et son titre Je tourne en rond sur France Bleu Auxerre. Parti cœur au bois dormant. Le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant ? kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon nom sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille. Faut voir comment je déraille. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Christophe Willem sur France Bleu Auxerre. Ce samedi 21 octobre à la salle des fêtes d'ici à Charny-Auray-de-Puisé, vous avez rendez-vous avec du théâtre musical pour la pièce Piaf et ses hommes. Pour en parler, la comédienne Mélanie Allard est toujours avec nous. Mélanie, comment fait-on pour incarner Édith Piaf sans tomber dans l'imitation ou le mimétisme ? Eh ben d'abord on essaye. Voilà, c'est un spectacle qui se déroule dans le temps de sa vie. Le début du spectacle, elle est très jeune, elle a 18, 19 ans, jusqu'à sa mort. Et je fais évoluer le personnage physiquement. Les gens ne me voient pas à la radio, mais je suis loin de ressembler à Édith Piaf parce que j'ai les cheveux roux, très bouclés, une grosse tignasse. Voilà, donc je travaille un peu sur la coiffure, de façon assez simple, mais ça fonctionne pas mal. Et puis aussi, je travaille dans le corps, à me rapetisser, à me rabougrir, à me tordre. Voilà, je crois que ça fonctionne plutôt pas mal, au dire des spectateurs. Alors là, Mélanie, on est au théâtre, faut trouver quand même de sacrées astuces pour jouer de sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça, ouais, c'est vraiment. Alors les astuces, elles sont corporelles. Vraiment, c'est ce que je dis aussi dans la voix parlée. En tout cas, la voix parlée change un peu. Le rythme, son rythme à elle change un peu. Voilà, c'est une femme qui est aussi touchée par la maladie, hein, par la polyarthrite qui déforme son corps beaucoup et qui souffre. Alors là, on va parler de Thibaut Acquart qui joue tous les rôles des hommes. Quel est le plus émouvant ? Je pense notamment à Marcel Cerdan. Bien sûr, parce que pour Piaf, je pense une transition, cette rencontre avec Cerdan. Alors on dit que c'est l'homme d'Edith. Après, c'est aussi l'homme d'Edith parce qu'il est mort et que leur relation n'a pas pu se terminer. Voilà, donc oui, c'est le moment émouvant, bien sûr. Alors Charles Aznavour, Georges Moustaki, Gilbert Bécaud, comment fait-il pour incarner tous ces rôles, on va dire, très différents ? Eh ben c'est pareil, c'est dans la façon de parler, dans la corporalité, dans la façon de chanter, d'aborder les chansons de façon différente. C'est sûr qu'ils sont très différents les uns les autres, Moustaki ou Aznavour, c'est pas tout à fait ni le même répertoire, ni des hommes très proches physiquement, quoi. Alors, à la question « Quelle est votre chanson préférée, Mélanie ?», vous avez répondu « Les mots d'amour » d'Edith Piaf. Pourquoi le choix de ce titre ? Parce que c'est une chanson d'Edith qui est moins connue que les autres et qui, je trouve, retrace bien l'histoire de son parcours amoureux. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier, car je n'ai jamais aimé comme ça. Ça, je peux te le jurer. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais malgré son amour, il ne s'est pas tué, car c'est lui qui m'a quittée. Et puis après, elle dit et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. C'est moi qui les redis avec autant d'amour à un autre que lui, parce que des mots, il y en a tant qu'il y en a trop. Alors, pour le plaisir, Mélanie, j'ai envie de vous faire plaisir. On va écouter un extrait du titre Les mots d'amour d'Edith Piaf. Écoutez. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. Des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. Quelles sont belles ces paroles d'Edith Piaf. On vient d'écouter un extrait du titre Les mots d'amour. Dans quelques instants, Mélanie Allard, on va continuer de parler de votre spectacle Piaf et ses hommes qui a lieu ce samedi 21 octobre à la salle des fêtes d'ici à Charny Auray de Puisé. On écoute Angoune avec le titre La neige au Sahara sur France Bleu. C'est passé une très belle fin de journée en notre compagnie.

Katy Perry, un titre qui date déjà d'il y a 13 ans. Oui, il était sorti en 2010, issu de l'album de Katy Perry qui s'appelait Teenage Dream. France Bleu Auxerre, Yannick Bourna. Ce samedi 21 octobre à la salle des fêtes d'ici, à Charnay-Auray de Puisé, vous avez rendez-vous avec du théâtre musical pour la pièce Piaf et ses hommes. Pour en parler, la comédienne Mélanie Allard est toujours avec nous. Mélanie, dans ce spectacle, il y a les grands classiques de Piaf et peut-être aussi des chansons un peu moins connues ? Non, ça c'est vraiment la chanson la moins connue. Après, on a travaillé plutôt sur les classiques. Au début du spectacle, comme on traite Piaf dans la rue plutôt, hein, eh bien, elle chante des chansons qu'elle n'a pas forcément chantées dans sa carrière de façon connue. Donc des reprises telles qu'il est, il me plaît et mon homme qu'elle a chanté, hein. Mais c'est pas une chanson qui a été faite pour elle en tout cas. Voilà. Et puis après, bah évidemment, on a La Vie en Rose, L'Hymne à l'Amour, Non Rien de Rien, bon, les grands classiques, Piaf, quoi. Oui, les grands classiques. Alors, c'est du théâtre musical, Mélanie, mais il n'y a pas de dialogue chanté. Non, il n'y a pas de dialogue chanté, et ce ne sont pas des compositions, bien sûr, c'est des chansons du répertoire de Piaf et des hommes chantants de La Vie de Piaf. Il y a du dialogue, hein. Si c'est là la question, c'est vraiment du théâtre aussi. Il y a vraiment de l'échange, du dialogue entre les chansons, voilà, qui explique plus ou moins comment s'est passée leur rencontre, pourquoi, à quelle occasion, et vers quoi ça a tendu ces rencontres. Voilà. Est-ce que c'est des histoires d'amour ou pas ? Parce que c'est pas toujours le cas. Mais peu importe, la relation est quand même très importante avec certains hommes avec qui elle a pas eu une relation amoureuse, quoi. Alors, on peut qualifier Édith Piaf de croqueuse d'hommes, mais peut-on dire qu'elle était féministe avant l'heure ? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la chanson Les mots d'amour, elle retrace bien c'est la vie de Piaf, la vie amoureuse. Voilà, elle dit je n'ai été d'un homme à l'autre toute ma vie que parce que j'ai toujours attendu le bon, celui qui serait vraiment gentil, doux, sincère, attentionné avec moi. C'est les mots de Piaf, parce que le texte a été créé à partir d'interviews de Piaf ou des hommes qui parlent d'elle, en fait. Voilà. Et voilà ce qu'elle dit à ce sujet de est-ce qu'elle est une croqueuse d'hommes ? Oui. Pourquoi ? Voilà ce qu'elle dit. Et à la question quelle est votre série préférée ? Vous avez répondu Six Feet Under. Pourquoi ? Alors d'abord parce que je suis en train de la regarder en ce moment. Et qu'elle me plaît beaucoup parce que c'est une série humaine, voilà, la mort. Alors c'est pas triste du tout hein, comme série, au contraire c'est plutôt léger, drôle, avec des personnages très enlevés et très décalés, qui sont. C'est une famille de pompes, qui a une entreprise de pompes funèbres, donc qui touche à la mort et puis bah forcément à la vie, hein, puisque la mort nous ramène à la vie. Et c'est très humain, c'est des situations toujours cocasses mais qui pourraient vraiment arriver dans la vraie vie, voilà. Alors pour le plaisir, Mélanie, on va écouter un extrait du générique de Six Feet Under. Écoutez. Dans quelques instants, Mélanie Allard, on va continuer de parler de votre spectacle Piaf et ses hommes qui a lieu ce samedi 21 octobre à la salle des fêtes d'ici à Charny-Auray de Puisé. Ça sera juste après Serendipia, le duo Zaz et Léo Rizza sur France Bleu Auxerre. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des coups, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. Zaz sur France Bleu Auxerre, ce samedi 21 octobre à la salle des fêtes d'ici à Charny-Auray-de-Puisé. Vous avez rendez-vous avec du théâtre musical pour la pièce Piaf et ses hommes. Pour en parler, la comédienne Mélanie Allard est toujours avec nous. Mélanie, est-ce qu'une tournée dans Lyon pour ce spectacle est prévue ? Non, c'est pas prévu parce que c'est une compagnie qui vient d'Amiens, en Picardie. Techniquement, c'est un spectacle qui peut être un peu lourd à déplacer et ben tout est une question de budget toujours. Voilà, donc déplacer deux comédiens, ça coûte pas très cher, mais déplacer la technique qui va avec, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, mais cependant, ouais, j'aimerais bien venir jouer un peu plus dans Lyon. Alors, j'ai senti quelque chose dans votre voix. Alors ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi. Vous avez un petit grain d'Edith Piaf quand vous parlez sur scène, quand vous chantez. Est-ce que vous transformez un tout petit peu votre voix? Oui, je transforme un petit peu ma voix pour le spectacle. Après, dans le chant, je ne cherche pas du tout à imiter. Pour la partie théâtrale, j'ai cherché à me rapprocher quand même, et physiquement, et au timbre vocal un petit peu. Ouais, je transforme, mais pas dans le chant. Alors, j'imagine que la mise en scène, elle est riche, puis elle est aussi également complexe pour couvrir toutes les périodes d'Edith Piaf. Oui, au plateau, on a plusieurs espaces sur scène. On a un espace petite table basse, fauteuil qui représente un petit salon. On a un autre espace avec un gros fauteuil, un lampadaire qui représente Piaf dans sa solitude. Plutôt. Et puis, au centre scène, on a les deux micros qui représentent l'espace scénique, à la découpe, évidemment, noir et blanc, voilà, avec les robes qui vont bien. Alors, depuis le début de l'interview, Mélanie, vous nous donnez vraiment envie de venir ce samedi 21 octobre à la salle des fêtes d'ici, à Charny, Auray de Puisé, pour voir votre pièce Piaf et ses hommes. Et J'ai une question, on va dire, un petit peu difficile. Quel est votre moment préféré dans le spectacle ? Le moment que je préfère... Je sais pas quoi répondre, vraiment, parce que c'est un spectacle que j'aime beaucoup jouer, j'y prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Ah ben, on peut comprendre que vous prenez beaucoup de plaisir, Mélanie. Est-ce que le moment où Edith Piaf apprend la mort de Marcel Cerdan, ce moment, il existe dans ce spectacle ? Ça existe, on ne la parle pas. Ce moment n'est pas parlé, c'est une transition musicale qui est difficile, je trouve, ouais, qui est un très très beau moment. Et puis la suite aussi, bien sûr, il y a à ce moment-là, je vous le dis, c'est pas un secret, à ce moment-là, c'est l'hymne à l'amour, la chanson, et la suite est assez difficile aussi, la suite de l'hymne à l'amour, où elle se retrouve seule dans son fauteuil, voilà, avec elle-même, face à elle-même. Donc le spectacle Piaf et ses hommes, c'est ce samedi 21 octobre à la salle des fêtes d'ici à Charny Auray du Puisé. Merci beaucoup Mélanie Allard pour ce moment. Vous nous avez vraiment bien vendu votre spectacle. On espère que ça va être une belle soirée ce samedi à la salle des fêtes d'ici à Charny Auray de Puisé. On le rappelle, hein, c'est du théâtre musical. La pièce s'appelle Piaf et ses hommes. Vous jouez avec Thibaut Accard. Mélanie Allard, merci infiniment pour ce moment. Je vous en prie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, Mélanie. Dans quelques instants, on va retrouver Nicolas Lespaul pour le France Bleu Collector. On va parler d'un titre, on va dire, un des titres les plus populaires en France. Il s'agit d'un duo entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Ça sera Pour que tu m'aimes encore. Quand vient la nuit noire, le programmateur de France Bleu à carte blanche. France Bleu Collector. C'est nos limites. Sur les pépites. France Bleu Collector. Le son qui met tout le monde d'accord. Tous les soirs, dès 23h. Ici c'est Lyon, le rendez-vous découverte des communes iconaises. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte de la commune d'Avallon aux portes du Morvan. Adresse gourmande, histoire et patrimoine, de belles rencontres en compagnie de Béatrice Carfa, Catherine Marchosin et Benjamin Lemaire. Ici c'est Lyon, du lundi au vendredi à 8h37, le samedi à 9h pour l'intégrale, à écouter également en podcast. Le 16-18 France Bleu Auxerre, une après-midi 100% iconaise. Allez, là on va dans le classique de la musique mondiale, on va avec l'un des albums les plus vendus sur la planète, c'est l'album Thriller. Évidemment, vous avez reconnu les premières notes de ce titre, Billie Jean de Michael Jackson. Est-ce que vous saviez que ce titre, il était sorti en 1982 et on a l'impression vraiment que c'est un titre qui est intemporel, on s'en passera jamais. Voici Billie Jean, Michael Jackson sur France Bleu Auxerre pour passer une belle fin de journée tous ensemble. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene.

100% sport ce soir consacré donc à cette dernière manche de poule pour le Auxerre Judo dans cette deuxième édition de la Pro League. On en parle avec vous, Dominique Burgos, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Bleu Auxerre à quelques heures de ce coup d'envoi. C'est la deuxième édition de la Pro League, la première pour Auxerre. Cette Pro League, c'est une façon de faire découvrir, de rendre le judo un peu plus spectaculaire, un peu plus attractif. Tout à fait ça. Sous la Fédération française de judo, sous l'impulsion de son président Stéphane Nomis, a voulu créer ce premier championnat pro par équipe mixte. Il est vrai que hormis les têtes d'affiche, judo tel Teddy ou Clarissa Benenou qui arrivent à gagner leur vie avec ça, ce n'est pas le cas pour les autres. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est donner une lisibilité beaucoup plus importante au niveau du public, hormis les Jeux Olympiques où on fait carton plein en termes de vues. Le reste du temps, dont le but c'était de s'inspirer un petit peu de la Ligue 1 de football et avoir tout au long de l'année quelque chose de visible sur un format court, plus dynamique. Et donc, quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette première l'année dernière ? Écoutez, visiblement, tout le monde était très content. Ça nous a forcément rapporté quelques licences et une visibilité supplémentaire. C'était... Alors, un mot justement des équipes qui participent. C'est représentatif de la qualité, du niveau du judo en France aussi, forcément ? Oui, on a vu des combats magnifiques. Les gens qui combattent aujourd'hui sont de première division, voire même des étrangers. Donc c'est un niveau qui est bien relevé. Ça, c'est toujours nécessaire justement pour développer la base que de montrer et mettre en avant finalement le haut niveau, la performance. Absolument, il faut commencer en bas et monter et donner l'espoir à tout le monde. Alors justement, vous étiez hier à Nantes, c'est ça, pour une autre rencontre. Vous suivez le championnat à travers toute la France. Oui, on est plusieurs à faire ce travail de représentant fédéral. Alors cette Pro League, c'est aussi la particularité, c'est que c'est un championnat mixte dans lequel la France aussi est championne olympique en titre. Donc c'est aussi oui, pour premiers, faire valoir aussi exactement. C'est pour le clin d'œil pour l'OM ce soir, mais c'est aussi voilà faire valoir mettre en avant cette médaille olympique aussi, voilà, et cette nouvelle catégorie qui a été créée. Oui, c'est un petit peu ça. Et voilà, le but principal, ça rejoint ça encore, c'est donner une visibilité tout au long de l'année sur ce magnifique sport. Alors, vous avez été pratiquant. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Parce que c'est vrai que le judo, c'est toujours une affaire de passion et c'est certainement, et ça se transmet, mais c'est aussi quelque chose qui suit les pratiquants. C'est le respect, c'est le don de soi, c'est le goût de l'effort. Mais en tout cas, on vous souhaite de passer une très belle soirée. Quel sera votre rôle, vous, ce soir? Vérifier que tout fonctionne bien. Et c'est un gros boulot. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été merci avec à nous. Vous. Merci. Dominique Burgos, représentant fédéral donc pour cette Judo Pro League, ce championnat de France de judo par équipe à professionnel mixte. Le coup d'envoi, c'est tout à l'heure à 19h au gymnase René Yves Aubin à Auxerre pour Auxerre Judo, qui accueille pour une place en quart de finale l'Olympique de Marseille ce soir. On va continuer à en parler avec Nasser El Asri, forcément le président d'Auxerre Judo, qui était impatient il y a quelques heures d'en découdre sur les tatamis. C'est à suivre dans 100% Sport. France Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française. Découvrez ce soir Sophie Darly. Éric Bastien. Sophie, c'est une amoureuse de la soul, du jazz, du blues. C'est un bel héritage musical qu'elle a découvert grâce à ses parents. Elle partira aux États-Unis quand elle a 20 ans. Et là, ça y est, elle découvre le son de la Motown. Les standards de la soul l'inspirent. Un nouvel album est à découvrir. Sophie Darly, c'est à 20h. La nouvelle scène musicale. Découvrez les artistes de demain sur France Bleu. Chaque soir, dès 20h. Parlons sport sur France Bleu Auxerre avec 100% Sport. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu bizarre. patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit goût de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre sur les monnaies d'hier. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souliers en tête ce soir, faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. À nos souvenirs, c'était Trois Cafés Gourmands sur France Bleu Auxerre. France Bleu Auxerre, qui était il y a quelques heures encore au stade René Yves Aubin pour la réception pour Auxerre Judo de l'Olympique de Marseille pour une place en quart de finale de la Pro League. C'est ce soir la dernière manche et le dernier match de poule pour le championnat de France de judo par équipe professionnelle mixte. Alors l'occasion aussi d'en savoir plus sur cette équipe d'Auxerre Judo avec son président Nasser El Asri. 18h-19h, tous les sports sont sur France Bleu Auxerre. À quelques heures du coup d'envoi du dernier match de poule pour une place en quart de finale de la Pro League. Bonsoir Nasser El Asri. Bonsoir Nathalie. Vous êtes parmi nous et par vous hein, pour l'organisation de cette dernière journée. C'est une grosse, grosse journée. Ouais, c'est une journée qui est super importante pour nous parce que, comme tu l'as souligné, c'est une place en quart de finale. Et nous, l'objectif d'aller en quart de finale, c'est vraiment qu'on ait une réelle visibilité du judo iconé, de la discipline du judo, le judo dans notre territoire, parce qu'ensuite, à partir des quarts de finale, ça sera diffusé en direct sur l'équipe 21. Donc nous, c'est vraiment une priorité déjà d'aller en quart de finale cette année et d'avoir cette visibilité. Quels sont les premiers enseignements que vous avez pu tirer justement de cette découverte en fait, en quelque sorte, là sur les trois premiers matchs? Beaucoup, c'est que du bonheur hein, de participer à cette judo pro league. Les enseignements, c'est différent d'une compétition normale parce que une compétition normale, effectivement, ça démarre sur toute une journée. Les athlètes, faut qu'ils restent concentrés du matin jusqu'à la phase finale le soir. Donc voilà. Alors que là, c'est vrai que le spectacle il est beau parce que ça dure une heure, c'est intense. Le public adore. Nous, on aime bien, les athlètes aiment bien aussi parce que c'est 5 minutes de combat. Ça passe ou ça casse. Non, c'est un nouveau format qui est super agréable et je pense que ça va être, ça va être ce format-là à l'avenir, quoi. Le choix des athlètes aussi que vous avez fait pour justement constituer cette équipe. Alors, ils ont réussi justement à créer un collectif. Ouais, là aujourd'hui en fait ça y est, ils sont dans la Pro League. Pour eux, au début ils savaient pas trop où ils allaient. Il y avait les championnats de France qui arrivaient, pour certains les championnats d'Europe qui arrivent dans 15 jours. On pensait que la Pro League c'était pas trop leur priorité, mais finalement ils sont pris au jeu, ils y mettent du cœur, ils adorent, ils veulent participer à cette Pro League, ils veulent gagner. Les athlètes sont à fond dedans. Il y a un réel collectif. Il y a un réel collectif qui se fait. Aujourd'hui, ils veulent gagner. Ils veulent gagner. Sérieusement, ils veulent gagner. Ah bah justement, face à Marseille, c'était le gros morceau de cette poule. Ouais, parce qu'on a, il y a la Corse qui était pas mal. Alors, j'arrive pas à comprendre parce que contre Marseille, on a perdu. La Corse, Marseille a perdu deux fois contre la Corse. Nous, vous avez gagné. Nous, on a fait une défaite au fil du rasoir. Ça s'est joué. On a fait match nul à un point. Et quand on a été chez Ajaccio, on a gagné. Donc, j'espère que la dernière fois à Marseille, c'était dur. On a pris une raclée. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être différent. Aujourd'hui, on a remis les athlètes dans leur vraie catégorie. On a William Sizi qui est champion de France en titre en moins de 66 kilos, première division, qui combattait en moins de 75 kilos jusqu'ici. Là, on lui a fait faire un régime, on l'a remis dans sa catégorie de poids. Benoît Collin qui combattait en moins de 95, alors que c'est en moins de 85, on l'a remis dans sa catégorie de poids. Donc, on a renforcé avec Guérin, Pierre-Louis Guérin, qui est un très bon judoka en moins de 95 kilos. On a une moins de 52 kilos qui vient de faire troisième championnat du monde junior la semaine dernière au Portugal. Je pense qu'on a une belle équipe ce soir. Donc on se rend compte aussi que au-delà des combats, c'est une vraie stratégie en fait. Bah, il y a une vraie stratégie à mettre en place, exactement. Enfin, nous, on savait pas trop. Au début, on a aligné notre équipe. Faut aller pour gagner, faut marquer des hippons. Mais on a remarqué que les équipes en face, c'est leur deuxième saison. Quelle expérience. L'expérience, la stratégie, on était un petit peu les petits naïfs. Mais là, je pense qu'on est pas mal, on a rattrapé le coup et je pense qu'il y a un coup à faire ce soir face à Marseille. Et ce soir aussi, c'est au-delà de la Pro League, c'est aussi inclure tous les jeunes du club, c'est aussi votre volonté. Voilà, c'est la vitrine, mais c'est aussi un club derrière. Ouais, ça va encore plus loin, c'est le club et le département. Et parce qu'encore une fois, on représente la Bourgogne-Franche-Comté, on est le seul club au Serre Judo, c'est un club par grande région, on est le seul club qui représente la Bourgogne-Franche-Comté. Pour nous, c'est carrément le territoire. C'est le club, la ville, mais c'est le département. Hein, ça va au-delà de ça. J'espère qu'il y aura du monde pour cette dernière journée de poule. J'espère qu'il ne sera pas la dernière dans le championnat. Mais ouais, nous, il y aura tous les jeunes du club. Les parents ont répondu présents. Ils sont déjà venus la première journée. Ils ont trouvé ça très, très bien, chouette. Et ils vont revenir ce soir, ouais. Dans quel état d'esprit vous étiez avant de combattre, justement, au moment de la pesée? Parce que là, c'était il n'y a pas longtemps. Et ce moment un peu de flottement avant l'échauffement, quels souvenirs vous en gardez? Il y a beaucoup de stress. Parce qu'en fait, on n'avait pas diffusé notre équipe avant et Marseille non plus. Et là, on a découvert les. Bon, il y a certains athlètes qui étaient déjà là, mais ils ont renforcé avec d'autres athlètes. Et oui, tout de suite, j'ai été voir les coachs. Ça va faire quoi? T'en penses quoi? Lui, c'est dans cette catégorie, c'est lui, c'est elle. Donc j'étais un peu dans le calcul et le stress justement et l'adrénaline comme si j'allais combattre aussi. Donc voilà. Et non, là maintenant que la pesée est passée, les athlètes sont partis faire des petites courses pour leur petite collation là avant de combattre. Et voilà, les Marseillais sont posés. Non, je pense que tout doucement ils vont aller à l'échauffement et vont rentrer dans la compétition sereinement et avec. Je pense que ça va être la guerre des deux côtés, quoi. Ne rien lâcher parce qu'effectivement c'est des combats très rapides où il faut rentrer tout de suite dans le match. Ouais, c'est des combats super rapides, il n'y a pas de maté. Sauf c'est une sortie ou un habit qui est le judogi qui s'est retiré. Il y a pas de maté, ça s'enchaîne. Finalement, c'est 5 minutes, c'est long, mais à la fois ça passe vite vu qu'il y a pas de temps mort, il y a pas de maté. Il y a une mi-temps de 30 secondes, il y a un temps mort de 30 secondes pendant le combat, mais ça s'enchaîne contrairement aux compétitions habituelles où dès qu'il y a une sortie de tapis, on arrête le chrono. Dès que l'habit s'est retiré, on arrête le chrono. Dès qu'il y a une pénalité, on arrête le chrono. Alors que ça s'enchaîne tout le temps. Donc voilà quoi. Ça va être compliqué, mais en même temps c'est passable, c'est faisable. Donc on sent quand même cette petite impatience que ça commence. Ouais. Franchement, j'ai hâte de cette confiance. Surtout que j'ai confiance en mon équipe. On a une très très belle équipe. Sincèrement, ce soir, c'est la première fois qu'on peut aligner notre équipe complète avec nos champions qui étaient soit blessés ou retenus par l'équipe nationale sur des grands slams, des grands prix.